rap, c'est franc, ouais. Chacun ses fans, ouais, chacun ses fans. Depuis qu'il y a les euros, peu de mecs sont francs, histoire de niquer. Tu apprends que le petit a niqué, le grand équipe marche broliqué. On évite les junkies, demande à Turk. On va sortir le machin, tu vas danser le funk. On évite les chiens qui te grattent et va tout banguer. Quatre fois comme la bangue, ce game fait pas bander. Je suis en stun du bandit, tu me vois pas trop en jean. On t'a vu à la Saint-Valentin, faire le pigeon à la Valentine. Toujours l'attitude, je pars pas l'habitude. J'oublie pas toutes ces journées passées au bitume. On a qu'à lâcher le game, t'as plus qu'à ramasser les douilles. Tu t'insultes, tu dis rien, on appelle ça un teneur de couilles. Je traîne au check, je suis souvent avec Billy. Je repose en duel 14 jusqu'à Grigny. Tu me cherches, dis-moi, Olinguinini. Tu peux me croiser à pied ou avec une mise en mini. J'ai des mains, je fous le boucan. Voilà. Rien à faire, je rappe tout le temps. Voilà. 2017, je mets tout dedans. Voilà. Tu m'esquives, je te vois ton coup de vent. Voilà. J'aime les dames, j'aime le dom. Je te fais la dédicace que si tu le dumb. Y'a des mecs cagoulés qui braquent, qui volent. Pince monseigneur, fais sauter l'antivol. Je te dis je t'aime, je le pense pas, je rigole. J'ai vite les BDH, j'ai vite les petites folles. On veut des marrons, des violets, des verts. On va pas se laisser faire. On veut des marrons, des violets, des verts. On va pas se laisser faire. On veut des marrons, des violets, des verts. On va pas se laisser faire. On veut des marrons, des violets, des verts. On va pas se laisser faire. Le savoir est une arme, et les bastos donnent la leçon. Je connais des mecs qui kidnappent, qui demande une rançon. Si on se fréquente plus, t'inquiète pas, j'ai mes raisons. 20 des gens qui changent chaque jour, chaque saison. Jules Kalashkemi, putain de combinaison. Famille nombreuse, plus de 7 à la maison. C'est là que j'ai appris le sens du partage, le respect des valeurs, j'ai que ça comme héritage. Sauvera les nerfs. R de l'époque, ghetto carnage. Oublie pas qu'on peut mourir à n'importe quel âge. Sauvagerie. T'as peur d'être blessé dans la vie. Pas d'amitié, pas d'amour. Mais comme rien sauvage de Marseille. Sauvage. M'appelle le Damon. Chaud comme le 1-3, chaud comme le 9-3, chaud, chaud comme mon 243. Le nombre de balles que tu vas te manger dépendra sûrement des sous que tu me dois. Sims, M.A.T, Chucky, Mirmo, Yadfei et Crimo, les mecs que je côtoie. Brolique la famille, j'oublie pas Melkus. Fuck les hypocrites, ceux qui parlent sur moi. Avec Mehdi, YZ à Saint-Jean-la-Pointe. Posé détendu, la calage parle fort. Quand y'a un malentendu, y'a des mecs cagoulés qui braquent, qui volent. Pince monseigneur, fais sauter l'antivol. Je te dis je t'aime, je le pense pas, je rigole. J'ai vite les BDH, j'ai vite les petites folles. On veut des marrons, des violets, des verts. On va pas se laisser faire. On veut des marrons, des violets.